léegoon amoon na fi ah lii nag ñett dof la woon, dof yi nga xam ne dañoo dugg dañoo nekk ci asile, léegi ñu xool ndax dof yi daal mën nañ leen génne. Dof yi nag nit ñi dañoo désespéré ci ñoom, désespéré. Léegi benn docteur daal moom daal nee na moom mën na faj dof yi, mu jël ñetti dof yi nag daal leen di yóbbu ci benn bloc, ku nekk mu def la ci benn néeg di leen traité traité. Kenn ki Samba la tudd, keneen ki Ablaye, keneen si Jean. Léegi mu ñëw daal xëy benn jour ne man daal sama dof yi daal def naa lu ne mënuma si ñoom daal. Mu ne xaama dem xool Samba lu muy def. Mu ubbi néegu Samba rek gis Samba daal di war ci ab lapin di xëcci noppi di dawal naan maa la gën a gaaw de rek mu daal di désespéré ne waay franchement c'est pas la peine xaama dem xool keneen ki lu muy def. Mu ubbi beneen néeg bi maanaam néeg yi daal dañoo tegaloo. Mu ubbi beneen néeg bi dugg gis ko moom it keneen ki yëg ci ab lapin moom it naan ko Samba maa la gën a gaaw de maa lay njëkk Dakar de mu ne ah vraiment naa bàyyi quoi. Léegi mu dem bay dem ne non xaaramoo xool Jean lu muy def moom, moom mu ngi ci néegam moom moom bàyyi ma dem xool. Mu ubbi néegu Jean gis Jean toog teg brada ak kaas di jàpp chaine mu koy xool xoolu jaaxle quoi. Naan morom yi ñu ngi fee di war ci ay lapin moom mu ngi fii toog di jàpp chaine di ko wax ci xelam. Teg Jean ne ko waaw docteur yegg si la bisimilah. Docteur bi ñoo yegg si toog mu jox ko chaine mu naan mu naan ko mi naka job bi nii jàppal bàyyi xam nga waxu nit carrément. Waaye docteur bi daal yéemu ni xulli ay bëtam ne ko xujj di ko xool. Mu ne ko mais docteur man yaa may xool sànq ba léegi nii sa regard bii nii mais qu'est ce qu'il y a noo may xoolee nii. Mu ne ko man dama waaru quoi maa ngi dugg ci néegu bàcc yi ak Ablaye mais li ma gis ak yow li ngay def bokkuñ. Mu ne ko rek dof bi ne ko genre ne ko ñoom lu ñuy def. Mu ne ko dama leen fekk ñu war ci seeni lapin di dawal yow nga def yëfu nit rek mu ne ñii ñooy doomaram commencé nañ te waxuma ko rek xëcc lapin bi moom it yéeg